Oh, ich hab nicht. C'est parti. Oh, les on se croirait à trois bières. Trois bières. Hommage. Clin d'œil. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonne année, tout le monde. Bonne année. Bonne année. Bonne année, Antoine. Ah, bonne année, Fred. Bonne année, Jean-Philippe. Bonne année, Fred. Bonne année, Antoine. Salut, salut. Bonne année. Je te souhaite la meilleure année que tu as jamais eue. Et bonne année, Mathieu. Tu répétais. Bonne année. Ah, merci, Mathieu. Oh. Hey, on vous parle en direct de 2012. 2013. Non? Ah, nous, 2012! Ouais, oui, d'outre-tombe, peut-être. Tout le monde est mort. Ben oui, toi. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. You Fisté wish. Fisté dans les maillots. Il y a juste les avions qui sont tombés. Non, c'est ça, c'était pas pire. Trois, quatre micro-ondes. On s'en est bien sorti. Ta hot micro-ondes a explosé. Oui, mais gars, je te chez mes parents, c'est pas grave. Alors, hey, premier podcast en 2012, en 2013, pardon. Oh, oui. Je suis mélangé. Et merci d'être là. Merci de continuer à nous suivre. Oui, c'est smart. Oui, merci à vous autres. Et bonne année à vous tous. Bon, j'espère que vous avez eu des bonnes fêtes. Oui. Oui. Des beaux cadeaux. Mm-hmm. Pourquoi pas? Je suis bien content de ce qu'il y a eu, lui. Oui, très heureux. Le pichet d'eau, ça t'a pas dérangé? Non, j'ai aimé ça. On espère que vous êtes ennuyés de nous pendant ces deux semaines de pause. Wow, hey, on a pas plus que des grosses vacances. Je pense qu'on a trois semaines. Ah oui, c'est pas quatre, je pense. Wow, ouais. Moi, j'ai eu une grosse larme le 31 en pensant à vous autres. Ah, ouais. Pour vrai. Je chérais ma mère, j'ai dit, je pense au gars. Puis elle a dit, touche-moi pas là, Jean-Philippe. Touche-moi pas là. Ouais. Parce que souvent, JP et Fred, à la fin des podcasts, une chance qu'on les laisse pas tout seul. Ah oh, oui. Donc. Fratage, j'ai pas de chance. Hein. Bon, c'était la poutine. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est de la poutine interne. C'est fait, la poutine des fans. Non, mais on prend toujours des beaux problèmes. Et cette semaine, le premier de 2013 est... Ça nous vient d'Amélie Geoffroy. Oh, oh ouais! Oh. Chum! Ouais, vous la connaissez, hein, tout le ouais. monde. Mais c'est son premier. C'est son premier problème, je pense. Dans la vie en général, ouais. En plus. Ouais. C'est son premier d'ailleurs, problème. D'ailleurs, l'autre fois, elle m'a dit qu'elle nous écoutait parler du problème des cheveux. La fille qui perdait ses cheveux. Oui, oui. Puis elle nous écoute à la job... Puis là, on a parlé de trou de cul un peu trop longtemps. Tu viens pas de ça? Puis la fête, je suis peut-être pas supposé d'écouter ça. Mais on te salue, oui, Amélie. C'est pas quelqu'un qui faisait une tresse avec ses poils d'anus, c'est ça? Oui, chose. C'est ça. Oui, tu t'es pas seulement... Quand tu t'es tout fait. Ah, oh, clairement. Oui, c'était vraiment ça. C'est vraiment ça. Oui, c'était ça. Pour s'en faire des cheveux. Hey, on alors, là. C'est quoi son problème? Le problème. Cher, pas de problème, voici mon problème. Ça fait beaucoup de problèmes dans les mêmes j'utilise secondes. Souvent le bon problème. Il arrive souvent que nous croisons des gens qui nous connaissent et qui se sentent obligés de plugger notre prénom et nom de famille alors que nous ignorons le sien. Oh! Ça, c'est vrai. C'est un classique. Comment faire pour se rappeler du prénom d'une personne ou du moins camoufler le fait que nous l'avons momentanément oublié ou jamais su? Merci de votre support. Amé Moumou. Ça ressemble un peu à notre problème de la mi-novembre. Oui, lequel, donc? Celui que le gars, il... Moi, j'écoutais pas. Il écoutait pas, mon vrai. C'est qu'il n'a pas compris, là. Oh. C'était quoi le problème de la mi-novembre? Oui, oui, Martin Franklin. Qui ouais. Disait oui, qu'il... Oui, les clés, oui. Mais non, dans le sens où on peut utiliser quand même des... Oui, ouais, c'est un peu. Mais c'est pas la même chose, pas du tout. Parce que moi, ça m'arrive souvent. Même, je suis pire que ça. Et des fois, je sais pas si... Je suis supposé de connaître la personne. Puis ça arrive souvent, là. Mais ben oui, c'est sûr. Puis là, tu vois une bonne poignée de main, il est content de te voir, tu fais hey, là, je suis dans la merde, j'ai aucune idée c'est qui. Puis là, tu spots tout le monde alentour, tu fais je connais pas ses amis. Moi, j'ai deux trucs infaillibles. Oh! Oh! La course et. Mets ça sur ton dos dès le départ. Ah, je le fais souvent, ça. Mais si la personne arrive, fait « Salut, comment ça va? » Tu fais « Salut, ça va bien, toi? » Ben écoute, comment ça va? Et au cas où tu l'as oublié, moi, c'est Jean-Philippe. Ouais. Tu mets ça, tu le mets par rapport à toi. Ah. Vous comprenez? Fait que l'autre personne, et le principe de la tierce personne qui est toujours le meilleur. Ouais. Attends, ben, présentez-vous, allez-y. Ouais. Les deux se présentent. Ma blonde est plus embêtante. Salut. Ma blonde est pas assez vite, des fois. Ouais, très habile. Ta blonde reste là, puis elle attaque. Non, mais elle sait qu'elle doit le faire. Elle dit, j'ai vu que tu ne m'as pas présenté. Elle n'a pas été assez vite, tu sais. Parce que là, si c'est assez vite, moi, je peux faire « Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas présenté. » Ouais, c'est ça, ben oui. Oui, venez-vous-en, présentez-vous. T'sais. Classique. Ouais, mais c'est un peu tôt, ça, présentez-vous, tu sais. Ouais. Moi, je suis plus porté à faire « Jean-Philippe est un ami comédien. Bachou est un jeune orphelin. » Oui, mais tu fais comme si c'était de l'usage, tu sais, tu fais « Jean-Philippe, mon ami, toi, allez-y. » Puis là, tu vas entendre son nom. Tu vas l'entendre quand même, malgré tout, tu sais. Je connais un gars qui faisait... Il avait une technique de... Attends, c'est quoi ton nom? Là, tu réponds. Antoine. Non, non, ton nom de famille, Antoine. Ah, Vézina, ben tu le sais. Bon. Ouais, non, mais ça m'a juste échappé. Mais donc, Antoine, c'est Mathieu. Antoine Vézina. Mathieu qui, donc? Mathieu Bourrin. Oui. Donc, c'est la technique. Bon. Ah, c'est pas pire. Ton nom de famille, Antoine. Non, c'est sûr, Antoine. Ouais, non. J'ai pensé à une autre affaire qui serait, mettons, tu vois la personne, tu sais, hey, j'ai pensé à toi, il y a quelqu'un qui cherchait. Quelqu'un pour une job en plein dans ton domaine, mais j'étais pas sûr de ton email, alors donne-moi le don. Fait que là, c'est sûr que c'est Happy Fiddle Cat, t'es dans mal, mais si c'est genre, c'est juste amélie.geoffroy@gmail, là, yes, j'ai ton nom, tu sais. Oui, pas pire. Ah! C'est far-fetch, là. Non, ben, comment ça, parce que c'est quoi ton email? C'était quoi, elle? Elle avait quelque chose de funky, mais ça. Amélie Geoffroy, elle, c'était. Avant, elle avait quelque chose. Boo quelque chose? Non, mais. Bugs. Boo Days! On vous invite à écrire à Amélie au Boo Days. Non, mais elle a dit qu'elle allait changer parce que. Elle disait. Ben, tu sais, à un moment donné, c'est pas très professionnel. Non, moi, à l'école, tu sais, tout le monde avait des vrais emails, puis il y en avait une, c'était la Dame des Anneaux, 22, quelque chose. 402. T-May, ça c'est Mélissa Perron. Ok, bon, on va arrêter. Ouais, on va arrêter. Pif, paf, pouf. Toujours drôle. Mais ouais, c'est ça, c'est. Mais tu le vois, est-ce qu'on le voit venir ça, là, quand on. Ouais. La personne a l'air trop d'en jouer. Qu'est-ce qu'on. On a un petit buffer là, de 3-4 secondes où on peut. Abort! Non, mais fake une crise cardiaque. Non, mais. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est tough. Amnésie. Le téléphone qui vibre, comme t'as fait tantôt. Excuse-moi. Allô? Ouais. Ça va pas? Il y a un mois, là. Oh! Oui, j'ai essayé depuis un mois. Ouais. Je m'en rappelle, hein. Ouais. Frais en mémoire. Pour Mathieu, tantôt, c'est toujours l'année d'avant. C'est ça, tantôt. Oui, c'est ça. Très, très bonne mémoire. Mais ça m'a... Là, de plus en plus, je commence à faire, moi, des... C'est déjà vu, hein? Ouais, on fait ça des fois. Ouais. Mais des fois, c'est un peu embêtant. Je sais pas. Non, mais c'est parce que... On se connaît, hein? On se connaît, nous autres. Est-ce qu'on s'est vu, non? Mais je le fais à tout le monde, non, je pense. Non, mais tu fonces, business. Hey, salut. J'ai du monde à te présenter. Oui, hey, je te présente comment? Tout que... Oh, c'est bon! Tu veux son vrai nom? On est-tu amis? On est-tu anciens collègues? Éric Martel, là. De simple, comme... Ouais, t'es sûr? Là, faut juste que t'aies bien des amis stand-by. Puis je leur dis pas sur notre relation, je leur dis... Ben, qu'on se connaît du secondaire. Bien sûr. T'es sûr? J'ai-tu des arrangements? OK, on revient pas. OK. Hey, c'est Éric Martel, mon ami du secondaire. J'ai rien dit, Jamie. Hey, c'est drôle, ça, Antoine. Comment je te présente? Ouais, c'est bon. Non, mais il y a toujours le classique... Comment je te package? Comment je te brand? Hey. Hey, l'autre gars qui avait le même nom que toi, non? Éric? Ouais, c'est ça! C'est... Il arrive quoi avec lui? Ouais. Non, mais ça, c'est un classique là, de faire. As-tu revu du monde? Tu sais, quand quelqu'un tu penses que c'est au secondaire? Ouais, tu fais secondaire, cégep, université, pas clair, probablement école. Ouais, il y a beaucoup de... Tu sais que t'as revu... Je sais pas de où je le connais, mais je sais que je le connais. Ouais. Puis là, t'essayes. Ouais. Sexuellement. MSC est dur. Tu sais, tu parlais à Antoine il y a deux mois, au début novembre. Ouais. Tu sais qu'il y a des périodes de notre vie qu'on se rappelle moins. Ouais. T'sais, moi, mettons, là, ce que je racontais à Antoine, de 99 à 2001, je me rappelle de rien. Sincèrement. Je peux croire ça. Des affaires, des fois, que je vois, puis je fais, c'est qui, lui? C'est ton cégep, ça. Puis c'était vraiment quelqu'un avec qui je travaillais. Ouais, ouais, ouais. 30 heures par semaine, j'ai aucun souvenir. Mais je peux te raconter des affaires de mon secondaire très, très précises. Là. Mm. Mais ça, c'est normal. Mais il y a des affaires de contexte, je pense, où j'allais toujours au même club vidéo, loin des films. Mm. Une fois, j'ai croisé le gars à l'université. J'ai fait « Hey! » Parce que je fais « Je le connais. Oui. » Puis tout de suite après, ça fait « Non, c'est le gars du vidéo. » Ah, ça arrive des fois. Tu vois quelqu'un qui n'est pas dans le même contexte que d'habitude. Fait que tu penses le connaître, mais non, oui. C'est... Ah oui, moi j'ai fait ça à Daniel Savoie l'autre fois. Ah ouais. Patrice Lemieux, ouais. Là. Je connais pas ce gars-là, on a 1000 amis communs, mais j'ai fait « Hey! » Mais c'est comme... Ah ouais, mais non, ça, c'est pas ça, mon ami. Ben, vous êtes embrassé, mais ça devient tellement... Ah, du monde de la télé. Ça fait bien pile. Moi, je suis pas super connu, fait que je suis juste cette belle zone-là, le monde font « Salut, on se connaît. » Ouais. Je suis pas sûr. Ouais, on se connaît. Annonce de famille. Tu sais qu'on s'est vu, donc. Puis t'oses pas trop dire. Ouais, c'est ça. Ben, de quoi on se connaît pas vrai, mais je fais peut-être la télé. Ah, ouais. Ouais. Non, mais moi, je... Mais avant, c'est vraiment... Ouais, comme avec ton gars de vidéo, là. J'avais vécu, là, la fille qui fait... on a eu un cours ensemble, hein? Non. Là, son chum est à côté, il fait... Je sais d'où tu le connais. Ah. Il avait regardé casting, eux autres, mais elle était... C'était ça. Je pense qu'elle a tellement apprécié l'émission qu'elle elle était comme... en cours! Oui! Oui. T'avais un gros peine, il y avait une histoire policière avec Isabelle Quintin. Pas sûr de ça. Ça, c'est drôle! Ah oui, puis Antoine... Il y avait une chanteuse d'opéra, là, à jouer des pubs de Spokawa. Puis Antoine était garde de sécurité... Ouais, il y avait France Vien, là, toujours pas sa... Je salue, je salue. J'allais dire quelque chose, tu sais, des fois, par contre, tu peux pas te rappeler le nom de la personne, ni même tant que ça le contexte, mais tu te rappelles d'une affaire que cette personne-là t'a conté dans un party, tu sais, du genre, oui, je me souviens, toi, t'es la fille qui se dit vraiment clitoridienne, tu sais. Oui. Non, mais t'as un mauvais exemple. Mettons, non, genre, c'est un bon exemple. L'exemple, mettons, elle avait une anecdote de tondeuse. Fait que ça, moi, mon genre, c'est comme, pis ta tondeuse, es-tu réparée? Tu sais, qui fait genre, I care about you, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi aussi, des fois, ça m'arrive de pas me souvenir du nom. Et je vais miser sur une espèce d'affaire un de... élément, là. Hey, pis ton condo. Ouais, parce que... Non, mais tu sais, ça fait longtemps que t'as pas vu la personne, t'es capable de faire... Tu changeais de job, comment ça va? Ouais. Oui. Ben, je suis pas capable de la nommer jamais, mais au moins, elle fait ah, mais c'est bon. Il se souvient. Oui, c'est clair. Des points, tu sais. Il y a un peu de placement, parce que là, tu te rappelles de certaines affaires, mais t'as oublié son nom. Ouais. Ça arrive. Y mais là, au moins, tu te rappelles d'autres affaires. T'sais. Oui, c'est t'sais, ça. Oui, tu me sens que t'avais des traits grossiers. C'est drôle. Ah, t'es tu as toujours des robes pas la bonne longueur, là. T'avais comme des. Oui, très gros. Ben oui, dans les traits grossiers. As-tu changé tes cheveux? As-tu changé tes cheveux? Ouais. Là, peut-être une chance que la personne les a changés. Fais, ben c'est ça, ça m'a complètement... Ça m'a fait oublier ton nom et d'où je te connais. Après mon cancer, il a fallu... Oui, ben oui, je me souviens. Mais tu t'en es sorti! Oui! Mes cheveux potents, j'ai pris 60 livres, par exemple. Mais assumer le problème, là, puis commencer à prendre des photos des gens avec... qui tiennent leur nom sur un petit carton. Oui. Puis l'étudier le soir. Faut-il que Facebook nous aide aussi là-dedans? De revoir des fois des noms de gens qui passent dans ton fil. Tu fais « Ah! » Des affaires plus gênantes des fois. Des affaires de quelqu'un que t'es aimé avec sur Facebook puis d'envie, j'ai jamais parlé. Ça, c'est vrai. Ça m'est arrivé. J'ai même pas salut, tu sais. Oui, ça m'est arrivé. Marcel Béliveau. Marcel Béliveau se rappelle de tout le monde. Tout le monde. Systématique. Oui. Ça devait arriver dans une place, puis t'es capable de nommer tout le monde. Ah oui, il y avait une mémoire. Il y avait capable de nommer tout le monde. Mais le gars avant les galas qui faisait ça aussi, là. Ouais, hein, il disait au monde de nommer. Mais il faisait, puis il était capable de. Ouais, il allait parler à tout le monde, puis là, pendant le show, il revenait, puis il faisait. Puis il pointait tout le monde, puis il disait leur nom. Ah oh, ouais. C'est parce qu'il était capable de s'en souvenir souvent parce que. Comment? TEDx. Je pointe mon oreille. Vraiment? Non, peut-être pas. Peut-être qu'il faisait pas. Non, non, mais il faisait beaucoup d'histoires dans sa tête. Là. C'est vraiment ouais, ça. Ouais, c'est toi ta mère, nanana, nanana. Ça fait que... Ils sont vraiment vulgaires, tu sais. Enfourré son père. Ta mère suçait le prêtre. Oh, il masturbait deux pénis. C'est ça mes trucs, moi. Wow, wow. Souviens-toi pas de nos noms. Ouais. Mais ça se développe la mémoire. Ouais, ouais, ouais. Ou faire, commencer là. Faire la liste de tous les gens qu'on connaît et qu'on veut connaître. Puis là, rappelle-moi ton nom. T'es pas sur la liste, je te parle pas. Je te parle pas. T'es pas sur la liste. T'es pas sur la liste. T'es pas sur la liste. Moi, j'aurais trois noms. C'est sûr que. Mets-les sur un t-shirt. Mais c'est si votre nom que... n'est pas ici, ne m'adressez pas la parole. T'es pas sur ma liste. De reculons. C'est gênant. Ah, excuse-moi, t'es-tu sur mon t-shirt? Il est pissant. Mais oui, mystérieux. Il y a juste trois photos de shiatsu sur son jardin. Mystérieux. Monde de reculons. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est sûr qu'une personne dans l'humanité qui a comme un fichier Excel dans son iPhone, mettons, que ce sont tous les gens qu'elle connaît dans la vie. C'est sûr que quelqu'un est assez autiste pour faire ça. Je connais quelqu'un qui a ça pour les étoiles d'impro, mais pour le reste, Mais il doit y avoir quelqu'un qui a pas besoin d'iPhone pour le faire. C'est vrai. Comme Marcel Béliveau. Marcel Béliveau, il y avait ça. Mais il y en a qui ont mémoire. Un des trois chefs. Mais il y a peut-être beaucoup de tout ça. Tu sais, quand on entend « Ouais, telle vedette, c'est un peu... Il est un peu fraîche-pète, puis l'autre, sont un peu snob. » Mais il y a peut-être un peu de cet aspect-là de la job qu'il fait, il reconnaît personne, fait qu'il n'a pas envie d'être, tu sais... De se mettre dans, ouais. De se compromettre, mettons, ouais. Mais finalement, mais, ça... Tu sais, c'est pas un effort énorme pour quelque chose qui reste quand même juste à être civilisé, mettons. Ah non, mais ça, on s'entend là-dessus, là. Tu sais, quand t'es avec quelqu'un, surtout, tu sais, un tournage qui te taponne, tu sais, 20 minutes par jour après ton micro, dans le crack de fesses, en même temps, t'apprends son nom, là, tu t'en calmes. Toucher le pub, je sais pas c'est qui le coupable, tu sais, c'est au moins ça. C'est ça. Ouais, capable de parler dans son dos. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, au moins. Ça, c'est bon, c'est un avantage. Mais, quand tu demandes quelqu'un, tu peux dire du mal de lui. Exactement. Alors, moi, ça me parle. T'apprends son nom, puis vraiment, il embarque dans la mémoire à court terme parce que tu le recroises sur un autre tournage, puis là, faut que tu fasses. C'est quoi déjà son nom, lui? Ouais, mais tournage, là, pour les gens qui connaissent peut-être moins ça, moi, j'utilise beaucoup la feuille de service. Ah oui, hein? Où t'as le rôle de chacun, la responsabilité avec le nom. Des fois, j'hésite un peu, tu check sur le bord, hop, hop, hop. Je suis souvent capable de retrouver les noms. La régisseur. Ben, il doit avoir l'équivalent dans d'autres jobs. Là, le caméraman, le directeur photo, il met les noms des acteurs sur sa caméra. Ouais. C'est pareil. Au lieu de faire excuse à toi, tu sais, il fait hey. Antoine, déplace-toi sur ta gauche. On se sent tout de suite interpellé. Alors, simple, décollant. Quand tu rencontres quelqu'un, tu mets son nom. Puis... T'es tag. Mais t'es tag au. Oui, avec des lunettes, c'est juste toi qui les vois. Fluo. Fluo, là. Phosphorescent. Phosphorescent, il y a juste toi qui vois le nom. Oui, et puis les lunettes un peu 80 aussi, là, Kanye West. Oui, puis écoute, si tu fais ça pendant un bout de temps. Tu peux mettre des noms sur chacune des barres de plastique. Waouh! C'est bon. Regarde, ah, il y a quelque chose qui part pas au lavage. Pas juste flou. Oui, c'est ça. Quelque chose qui part pas au lavage, comme ça, quand ils reportent leur linge, qu'ils recroisent, puis. Ça fait ça assez longtemps, tout le monde va finir par être tagué. Ouais. Les tatouer la nuit avec. Bingo! Un glow in the dark. Laser. Le laser, glow in the dark. Là, ils vont dans un party glow in the dark, font... C'est pas mon nom. Oui. Que c'est ça. Hein? Tout des noms. Moi, on a des noms. Mais, tu sais, si, mettons, toi, tu te promènes avec ton tag à toi, mettons, tu sais, qui répertorie ta vie. Je suis Mathieu Bouillon, Rimouski. UQAM 2001-2004, le monde de l'impro. On se connaît peut-être de la datation, de l'impro, de la télé. Toi, t'assumes qu'on peut t'oublier, fait que la personne va bien le prendre, un peu comme t'as fait. Là, hey, avant que t'oublies, moi c'est Jean-Philippe. Oui. Gna, gna, gna. On a eu la même coupe de cheveux. C'est ça notre point commun. Notre point commun. On se voyait souvent loin, enfin on se parle. Comment ça va tes cheveux? Crée l'événement. Qui va te donner l'excuse à tout jamais, tu sais. L'été où j'ai failli me noyer, puis j'ai passé. Ouais, vraiment. Je sais pas combien de temps sans oxygène. Là, heureusement, je m'en sens bien, mais les noms. Avant 94, c'est vide. On s'est connus en 95, ouais, c'est ça. Avant 96. Ouais. Mais il faut que tu aies du monde. Il y a 4 ans, j'ai participé à l'émission Défi de Patrice Lécuyer. Il fallait que j'apprenne tous les noms de maires des petites villes du Québec, puis j'ai tout oublié le reste. Depuis ce temps-là. Fait, dis-moi. J'ai fait du ménage dans mes noms. Nomme-moi une ville. J'ai vidé ma poubelle. C'est un chiffre de pi. Donc j'aurais besoin que tu me dises ton prénom. J'ai tout fait reset à ce moment-là. Il y a des jobs de même à l'Assemblée nationale, Québec, et à Ottawa aussi. Il y a des gens qui nomment tout le monde, puis ils nomment par cœur. Celui qui faisait ça à Ottawa, c'est toujours le même depuis des années. Dans son garage, il y a des photos de tous les députés où ils sont placés dans l'Assemblée nationale. Puis il pratique. Il va, puis il nomme tout. Ah, il reconnaît aussi. Il garde tous les nommés par cœur, il les apprend. Puis ça change. Ça, 4 ans, on va une nouvelle bâche. Des fois, il change les photos. Masques. Oui, au monde. Puis ils apprennent. Moi, j'adore. C'est un job de même qu'ils font à toi. Faut que tu connaisses le nom de tout le monde tout de suite. C'est le fun, c'est un homme. Ouais, hein. Toujours t'aimes ça, toi aussi. Mais avoir son Smithers, c'est, ça, c'est le truc à Mr. Burns. Les assistants, les assistantes, ça sert à ça, là. Ouais. D'apprendre des noms. Mais Départé. T'as un assistant pendant tes parties? Non, j'ai volé ça dans le film The Devil Wears Prada, qui est une scène pivot. Ah, mais il y a beaucoup... C'est la semaine de la mode de Paris. Ouais. Parce qu'elle est bonne là-dedans. Pas de joke sur Renata, oui, on l'aime. Ah, hein? Les Misérables, là, ça va être dégueulasse. Hey, c'est pas vrai. Mathieu pleurait à chaque fois qu'il... Ah, trine, trine, mais en commençant... OK, oh, moi, je reviens au problème. Elle est pas bonne. Elle était bonne, de Dark Knight. Correct. Sa scène était carrément. Bon, oui, correct. Je suis d'accord. Ah, oh, c'était la funnée de la gang. Moi, j'aimais pas ça. Mais... Elle était comic relief. Elle était moins pire que comic dans relief. Mannequin, justement. Là. Hollywood dans Mannequin, pire comic relief de tous les temps. Ouais, mais Mannequin se prête plus à un comic relief que Batman. Mannequin, avec Kim Cattrall, là? Ouais. Puis Andrew McCarthy. C'est qui était comic relief? Hollywood, le black avec des lunettes funny. Ah, oh, wesh, ouais, oui, qui traînait des... C'est ça. Wesh. Il a aidé la cause homosexuelle pendant 25 ans. Ouais. Et noir. En plus. Ouais. Il y avait lui et le gars de Ghostbusters dans ce temps-là. Ouais. OK, non, mais en commençant la conversation, tu fais, hey, toi, avant même qu'on se dise de quoi, faut que je prenne tes coordonnées. Bébé, comment tu l'écris déjà? Oui. Éric. Martel. Oui, t'es pas dans la nouvelle application bidon, mettons, là. Mon application Friends I Like. Ouais, là, où je rentre ton nom. Friends I Must Remember for the next time. C'est ça. Elle coûte 19$. Dans l'application Unforgettable. Créer l'application... Créer l'application qui, genre, en japonais, ça veut dire « Je me souviens pas de ton nom, gros épais. » Oui. Puis là, je fais « Attends, j'ai une nouvelle application, faut que je rentre ton nom. » Oui, puis ça veut dire ce que ça veut dire en clin d'œil, mettons, un peu. Genre le soleil de lune. Ben, bonne journée. Oui, c'est bon. Mais il faut qu'il l'écrive lui-même pour que ça marche. C'est quoi ton nom? Soleil de lune. Ça donne Caroline. Ça donne Caroline, ouais, c'est ça. Ah, Carole! Ça donne Jean. Oui, après, ça donne les offres, là. Les offres, bon. I dream a dream and I... Ça a été cœur, hein, ce bout. Hey, 2013, elle était à SNL, là, elle torchait tout le monde. Tu l'as sûrement vu, là, à la date qu'on est présentement. Ah, oh, j'ai vu ça, j'ai broyé! Ah, je suis pas sûr. J'ai bien plus aimé Anna Karenine. Ah ouais, ouais, ça a l'air bon. Ah ouais? Bon, on embarque. Hey, c'est tellement 2012, ça. C'est tellement 2012. Mais moi, j'aimerais ça... Hey, j'aimerais ça qu'on aille vraiment plus loin, parce que c'est vraiment un problème que je partage avec Amélie. Ben, probablement tout le monde, là. Mais tu sais... On le partage tous. Mais c'est vrai qu'il y a du monde qui... C'est un Mais arrête, toi t'es populaire. Il y a aussi quand même, il faut s'entendre. Non, mais... Et je dis pas que c'est mon cas. Mais tu sais, il y a des personnes clés dans certains milieux, secondaires ou milieux de travail. Tu fais, tout le monde le connaît, lui ou elle, par son statut, parce que peu importe. Puis c'est sûr que cette personne-là ne connaît pas tout le monde. Ouais. On se retrouve parfois plus ou moins dans cette situation-là, dans différents groupes, où tu fais, ben là. tout le monde connaît mon nom. Ouais. Puis il a l'impression que je le connais. On parlait de l'effet de télé. Là, tu vois, le monde peut arrêter une vedette dans la rue. Hey, salut, ça va? Sans faire, hey, c'est parce que lui, il t'a pas vu. C'est même pas le salon. C'est pas non, non, non, son con, des fois, ils ont le même. Puis, en plus, ils ont raison de le faire parce que la vie publique des gens est tellement étalée que tu finis par connaître ces gens-là plus que ta famille. Non, c'est ça. Je pourrais compter des histoires de vedettes que je connais pas par rapport à des fausses couches, à des cousins handicapés, tu sais, de, des choses que je sais même pas sont. Non, t'as vu leur maison, c'est tout ça, tu vois, t'as jamais été chez... C'est normal, tu sais. Ah, c'est ça, donc, tu sais, c'était à prendre la parole en avant d'un groupe, c'était la personne à laquelle on se réfère, tu vois. T'as un peu plus de visibilité, ça se peut que les gens aient l'impression que t'es connais, mais que t'es connais pas. Ben, l'impro donne ça aussi, tu sais, l'espèce de proximité, tu sais, puis le milieu de bar aussi, tu sais, c'est pas une TV, tu sais, des fois, tu fais des sketchs à 2 pouces de la face du monde. Ils nous aiment, là. Parle pour toi. Hey, c'est de l'amour en balle. Moi, je serais mort si c'était pas de ça. Et le pire, c'est avec... Non, le pire, c'est... moi, j'ai travaillé dans un camp de jour. Oui. Tous ces gens-là, je connais pas vraiment leur nom. Ah, c'est Balloon puis Violeur. Fait que si je me rappelle de quelque chose, c'est Balloon puis Violeur. Peut-être pas Violeur. Violeur, très bon nom de camp. Non, c'était Violon-leur. Mais violet. Mais. C'était violent. Eux, ils s'en rappellent. Oui. Il y en a certains qui se rappellent de ton prénom, tu sais. Ouais. Ah, ça, c'est troublant. Ouais, mais c'est parce qu'ils t'ont revu après, là. T'sais. Pour eux, tu es resté Binju. Non, j'irai même pas là. C'est quoi ton nom? J'irai même pas là. Dis-le-le! Ah, c'est sûr, je le sais en plus. Ton nom de quand? C'est quoi, vous autres? Jamais fait ça. Ben, c'est parce que c'est notre prochain concours. C'était quoi le nom de Frédéric? C'était pas Flash? McQueen. Non, c'est pas ça. Non, non. C'est sûrement quelque chose d'italien. Ah, c'est sûr, je le sais. Je voulais m'appeler Mike. Rital. À cause de Mike. Ouais, Mike, ça me dit quelque chose. Michelangelo. Jambon? Mais gros Jambon? Mais Edith Cochran, c'était Mouche. Ah, ouais. Tu travaillais ensemble? Ouais, on travaillait dans le même camp. C'était Crochet. Non, mais on n'était pas ensemble, on était allé dans un autre... C'est ça, ça? Non, non, on n'était pas ensemble, on faisait juste fourrer. Toi, c'était Peter Pan. Imagine, frère, c'est quoi ton nom? Non, regarde seul monde qui vont te saluer dans la rue. Salut, frère! C'est pas vrai. T'as fait le sex camp, puis toi aussi. Le sex camp! Yeah. Avec violon-lait. L'été, c'est caché. Violent, mouche. Violent, mouche. Frodon. Bisoun. Parle pas de violent. Personne ne dit rien que je viens là. Comme bourré dans cette cachetine. Lui, c'est bourru. Va chier. Va chier. Ta gueule. Ah, voilà. Cachetine. Donne-nous un indice. Je le dis pas. Donne-nous un indice. Je trouve ça tellement le fun de pas le dire. Non. Eux autres vont s'en crisser. Mais moi, tu sais que je vais te gosser. On pourrait le mettre sur un t-shirt. Ouais. Ouais. Je fus gazelle. Babouche. Non. Yugi. Ah, il sait probablement. Bardo. Tu sais pas. Vas-y, tu te rappelles même pas de mon prénom, Antoine. Je le sais ton nom. Regarde, tu te présentais, là. Présentez-vous. Frédéric. Frédéric. Clown. Oui. Montréal-Nord. Frédéric. Arrête avec ça. Montréal-Nord, c'est son surnom. Sort ou boucher. T-Bone. Ouais, non. Ça c'est bon, c'est impeccable. C'est bon. Fils de boucher. Non, Bobo. Ça, c'était quoi déjà l'autre surnom qu'il y a eu, George à Seinfeld? Il voulait se faire appeler T-Bone. Oui, je me rappelle de saucisse. C'était saucisse. C'était saucisse. C'est toujours ça. C'était-tu... On s'éloigne. Et on s'éloigne. Ça doit durer 1h15 ce podcast-là pour dire des innocents. C'était Boo Days. Ah! Boo Days! Ah, ouais. Those were Boo Days! It's not a woohoo day, it's a Boo Day! It's a Boo Days! Bon! Ouais, non, mais. Ma solution préférée! Être vraiment, vraiment préoccupé, là! Quand que tu spots la personne qui s'en vient, puis tu fais je connais. Oh, excusez, je me rappelle pas de ton nom, je veux juste prendre mon message. Non, c'est vrai, il y a vraiment un message qui est arrivé. Hein? Non, mais Non, mais d'être préoccupé, là. Excuse-moi, je peux pas. Je peux pas parler. Oui, le scientifique fou, là, c'est parfait, là, quelques formules. Eureka! C'est vrai. C'est quoi ton nom déjà? Divisé, non, c'est ça. Quel est ton nom? 88 000 salaires, c'est pas possible! Ah, c'est bon. C'est minable. Tu cognes sur la toilette. Faut finalement te retourner par là du monde d'accord. Ah, c'est ça. Autre chose. Tu le croises en soirée. Ah oui, t'as sur le sketch avec la personne. Voilà. Classique. Ou le surnom spontané. Ah, le surnom. Moi, ça fonctionne beaucoup. C'est mon goût d'agout. Clou, clou, piou, piou. Ou tu le présentes à quelqu'un qui te gosse, qui est là. C'est, ah oui. Mon je l'ai. Dieu, je viens d'y penser. Je l'ai. Viens parler, tu sais, à Marc-André. Viens-t'en, vous allez bien. Viens-t'en, Funky Bass. Tu me parles de donjons et dragons, tu bouges pas. Je connais quelqu'un, il y a un t-shirt avec un dragon. Pour Marc-André qui veut parler de ça. Il est cute, Marc-André. Pour Marc-André. Puis il a animé le club des 100 watts quelques années. Son sport préféré, on le sait pas. C'était un peu le ski alpin qui se peignait le toupet. Donc, des solutions préférées? Moi, c'est ton nom de camp. À jamais. Et moi, j'ai tout aimé. Ouais, c'était drôle. J'ai tout aimé. Le scientifique, je pense que ça peut marcher dans plusieurs situations. Ouais. Tu t'en sors. Changer de nom, tu sais, faire Mohamed Ali, là. Ouais, ça. As-tu une carte d'affaires? Non, mais tu sais, j'ai changé. T'as-tu changé de nom? T'as-tu changé de nom? Non, mais si toi, t'as changé déjà, la personne fait hey, salut, Fred. Non, non. C'est Fred, mon nom. J'ai c'est Mohamed Ali. C'est Malcolm X. Hey, tu te trompes, mon gars. C'est Malcolm Fred. Toi, t'as-tu encore ton nom terrestre? T'as-tu encore ton nom d'esclave? Ouais. Ah, ouais, je m'appelle encore Eric. T'as encore ton nom chrétien. C'est ça. Ah. Ah. Je te baptise. Ouais, maintenant, je m'appelle Padou. Oui, c'est sûr, c'est ça son nom. Marguerite. Antoine. Saint-Antoine de Padoue, oh! Continue partout! Qu'est-ce... Mais la carte, t'as la carte d'affaires, tu dis? Ouais, dis, mettons, genre, hey, je collectionne les cartes d'affaires, je veux absolument la tienne comme en shrine. Hey, moi, j'ai compris que c'était fini, les cartes d'affaires, mais en tout cas, tu bumpes téléphones. Tu bumpes les téléphones. Tu bumpes. Bumpé. Bon. Hey, puis moi, tu te rends compte que l'autre a un Nokia Razer, tu l'as cassé. Hey! Je vais prêcher pour ma paroisse, mais je pense que de travailler, consacrer un 2 semaines dans un été dans ta vie pour faire faker l'accident de piscine. Ouais. Mm-hmm. J'ai plongé, je me suis cogné la tête. L'accident d'émission de défi. L'accident d'émission de défi. Mais là, il faut que tu aies des preuves visuelles. Oui, mais tu sais, oui, non, pas obligé. Mais si tu as du budget, si tu as du... Hein? Tu te rappelles de Gilles Goujon? Ouais. Ben, moi, j'ai appris par cœur toutes les pour le plaisir. Ah, OK. Il me posait des questions là-dessus. Ah. J'ai plus de mémoire depuis. Oui, l'émission. Et Michel Barrette, France Castel. J'ai appris tous leurs sketchs par cœur. Oui, non, mais l'émission de Gilles Goujon, c'était. Tous pour un. Gonzalez! Non, c'est la facture. Hein? Non, c'est. Mais. Gilles Goujon! Oui. Appelez tout le monde Gilles Goujon, ça fait un job aussi. C'est drôle ça. Ouais. Hé, hey, Goujon. Moi, j'y vais avec le surnom, j'ai pas le choix, c'est le truc que j'utilise. Chummy! Hé, Bobby! Hé, hey, Bilbo! Comment ça va, capitaine? Ça, c'est la barbe. Hey, ouais. Mais tu peux aller avec des affaires. Hé, mon préféré! Très mon bon. Meilleur. Là, c'est sûr qu'il résiste pas à ça. Mon meilleur. Je te présente mon meilleur, mon préféré. My number one! Capitaine! Changez-vous, les gars! Chef! Capitaine, patron! Chef, champion! Adjuvant! Je te présente l'autre, c'est le capitaine, celle que j'ai oublié le nom. C'est ton déroute, celle-là, pour la même. Oh, attends! Le scientifique fou! Puis là, tu te recroises dans 2 ans, puis là, tu fais: hey, capitaine! Non, moi, c'était champion! Moi, c'est pas toi! Oh, c'est pas mon champion, ça! Plaque! Magnifique! Hey! Ah, merci. Merci de nous avoir écoutés. Continuez! Pour ceux qui m'ont toffé. Continuez de nous fournir vos magnifiques problèmes via Facebook ou courriel. Vas-y, Mathieu, ouais. Oui, ou courriel, pas de problème, @gmail.com. Allez sur iTunes, donnez 5 ou rien. I dream a dream and I'm gonna... Ok, pardon. On n'entendait pas le piano. Voilà. Et bonne année 2013. Yes! Bonne année, messieurs. Ouais. Je sais, ouais, on est tous encore sous le choc de la fin d'Unité 9, hein, des révélations. Ah, oh, je peux pas croire encore. Ouais. J'avais pas remarqué, moi, qu'on n'avait jamais vu Guylaine Tremblay et... Catherine Proulomé dans la même salle, puis que c'était le même personnage. C'est mal. Étonnant. Ah, c'est bien ficelé. L'amour des enfants, hein. C'est quand Shandy voyait des morts aussi. Quand Shandy voyait des morts. Ça va trop loin. Merci de nous suivre. Merci à vous. Et. Vous avez un problème? Nous avons un podcast en 2013! Chabaloua.